Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Punk, Génération, No Future, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a des souvenirs d'adolescence et d'ennui dans les années 70 et l'espoir de voir quelque chose céder ou au moins juste se passer. Et il y a le courant d'air fabuleux qu'ont été les riffs de guitare saturés et les voix cassées, et puis cette question de savoir ce qu'a été le punk français. Alors pour commencer, les personnages. Un chercheur guitariste, un journaliste musicien, un chanteur écolo et provocateur, un parolier avec du recul, des jeunes en marge, des bébés punks de banlieue, un manager sur le retour, un ex-chanteur qui a dit oui au futur et des musiciens qui se séparent. Ensuite, le décor. Les années 80, des hymnes politiques, les Sex Pistols, une fin qui est un début, des crêtes, les radios libres, l'industrie du disque, les Ulysses, des bagarres, des nouveaux groupes, l'héroïne, les concerts du Palace, un groupe mythique, la contagion, de la salle politique, l'antiracisme et un jeune tué par la police. Aujourd'hui, troisième épisode, un homme est mort. Une des vedettes punk du rock britannique vient de disparaître. Sid Vicious, le bassiste et chanteur de l'ancien groupe des Sex Pistols, est mort hier à New York. Origine du décès, une trop forte dose d'héroïne. Il était âgé de 21 ans. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. 51,7%, Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. Au revoir. Nous avons fait dans la Drôme 6,60%, dans l'Isère, un de nos candidats 10,34%, à Dreux 12,77%. Bien, monsieur Lepel, je vous remercie, il est 13h05. Enfin, mais qu'est-ce que vous faites la nuit, vous? Bah écoutez, j'écoute la radio. Quelle radio? Toutes les radios, ça ne vont pas, il n'y a que ça. Ça ne va pas du tout. Je vais vous faire une ordonnance. Il ne faut écouter que Carbone 14. Vous avez dit quoi? Je dis Carbone 14 FM stéréo. Merci. Touche pas, mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme. Son but, lutter contre le racisme en dehors des circuits classiques, s'adresser aux jeunes et utiliser un langage direct. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Finale en forme d'apothéose cet après-midi de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Un final que personne n'aurait osé imaginer le 15 octobre dernier lorsque 32 jeunes immigrés décidaient de traverser à pied la France pour attirer l'attention sur les problèmes qui sont les leurs et qui les touchent chaque jour, c'est-à-dire l'indifférence et souvent même l'hostilité. Pour crier non au projet de vaquer, des centaines de milliers d'étudiants et de lycéens ont réussi donc à organiser un gigantesque défilé. 8 km de long entre la Bastille et les Invalides. Punk, Génération du futur, que pour Made in France. Par Assia Khalid et Alain Lefkovitch. Luc Robben, professeur à l'Université de Bordeaux, guitariste, co-fondateur du projet de recherche PIND, Punk is not dead. Au moment de la séparation des Pistols, en janvier 78, c'est terminé. D'ailleurs, la presse, les médias, ils sont co-constructeurs du punk d'une certaine manière. Les médias titrent à cette époque-là, le punk c'est fini, hein, que ce soit rock and folk et best. On est sur une idée que, bon, bah, très rapidement, le punk sera remplacé par autre chose. Alors après, le deuxième élément, c'est qu'évidemment, il y a une espèce de cohérence avec ce que le punk porte, c'est-à-dire ce côté d'immédiateté et d'absence de perspective. La grande surprise, c'est que finalement, quelques années plus tard, loin d'être terminé, ce mouvement punk se réinvente avec des groupes en Angleterre comme The Exploited, par exemple, qui sont d'ailleurs à l'origine de ce slogan « Punk's not dead ». Et c'est à ce moment-là qu'en France, on va commencer à employer un autre terme pour parler des punks, on va parler des quepons. C'est un mot qui n'était pas du tout employé en 77-78. C'est-à-dire que le verlan va servir à identifier cette espèce de deuxième scène qui est en train d'émerger. Bah, le quepon, en quoi il se distingue? Bah, le quepon, d'abord, c'est fini les vêtements déchirés. On est passé au cuir clouté, avec quelques slogans blancs sur le cuir. Et puis là, on commence à voir les crêtes. Dans la lignée de ce qui se fait en Angleterre, les Exploited, il faut se souvenir de leur look. Les types, ils arrivent avec des crêtes pas possibles. On a tout d'un coup une autre image qui est elle-même en rupture quand même avec l'image qui était portée par le punk initialement. Là, on a vraiment un look qui commence à marquer les gens, la crête, et qui d'une certaine manière va aussi commencer un petit peu à s'uniformiser, hein. C'est-à-dire qu'il y a des codes qui sont beaucoup plus établis, beaucoup mieux établis sur l'apparence, sur sur la manière d'être, sur les postures. 80, 81, 82, c'est vraiment l'éclosion de cette deuxième génération. Il y a aussi une réinvention musicale parce qu'on va voir émerger ce qu'est le hardcore avec les Dead Kennedys aux États-Unis, par exemple, qui sont porteurs d'une nouvelle manière d'aborder musicalement ce que peut être le punk. Le passage des Sex Pistols à Paris en 1976 et des Damned au festival de Mont-de-Marsan ont répandu le punk un peu partout dans l'Hexagone. Et n'en déplaise aux puristes pour qui le punk était mort en même temps que l'irrévérencieux Sid le Vicieux, le mouvement s'offre une nouvelle jeunesse à l'aube des années Mitterrand et des premiers succès électoraux de l'extrême droite française. Nous, on avait un peu grandi. On buvait nos premières bières, on expérimentait le poppers. Et au KS de Ris-Orangis, un des plus anciens squats artistiques de la région parisienne, on assistait à nos premiers concerts. Stinky Toys, Asphalt Jungle et Metal Urbain avaient bel et bien vécu. Giscard d'Estaing aussi. Tandis que la crise s'installe confortablement, les punks des 80s investissent les interstices urbains au pied de biche, créant les QG et les bases arrières d'un nouvel underground artistique indépendant et très politisé, opposant au No Futur des proto-punks un Yes Futur auto-organisé. Moi, j'avais trouvé ma nouvelle idole en Californie. Jello Biafra, le leader charismatique des Dead Kennedys et du Parti Vert américain, venait de choquer le gotha de l'industrie musicale américaine au Bay Area Music Award de 1980. Devant un public médusé, le groupe entame Pull My String, une attaque frontale contre le Star System. Jello Biafra s'adresse à la profession. Pensez-vous que mon sexe soit assez gros et que mon cerveau soit assez petit pour que vous puissiez faire de moi une star ? Grand moment de jubilation. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Jacques Soulier, alias Joe Clou, musicien, organisateur de concerts et journaliste. Il y a d'abord une forme de rejet de la jeunesse. Tous les 30 ans, généralement, notre génération passait à l'abattoir. Donc dans les années 79-80, on est au bout d'un terme de 20 à 30 ans, où généralement notre génération part se faire massacrer dans un conflit, soit proche, soit lointain. Donc il y a eu 1870, il y a eu 14-18, il y a eu 39-40, il y a eu l'Indochine, il y a eu l'Algérie. Normalement, c'est notre tour. Sauf que là, il n'y a rien qui se passe. Donc finalement, les anciennes générations nous regardent un peu de travers, nous prend pour des glandeurs. Vous êtes là, mais finalement, vous ne voyez pas être utile ailleurs. Moi, par exemple, en Algérie, moi, quand j'étais prisonnier de guerre, ça va, dans les troquets du coin, on a des gens qui revendiquent les exactions qu'ils ont pu commettre en Algérie, en Indochine. Nous, on a une culture qui s'est édifiée depuis les années 60 de mixité, de diversité et de tolérance. Et finalement, on ne comprend pas ce langage-là. Et on nous impose cette violence institutionnelle en nous disant « Si vous ne rentrez pas dans ce cadre-là, nous, on vous rejette. » Et à côté de ça, on est quand même 10 ans après 68. 10 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup. Mais c'est peu en ce sens que finalement, la volonté de libération sexuelle que les étudiants ont finalement conquis à la Sorbonne, cette volonté de s'afficher en tant que tel, en tant qu'individu, avec un devenir indépendant des contraintes sociales, nous on l'a complètement intégré et on veut le mettre en œuvre. En fait, toute la société ne craint qu'une seule chose, c'est que le feu reprenne de la part des lycéens, donc on est regardé comme du lait sur le feu, et donc les mouvements punk tout de suite inquiètent. Parce que à l'époque, on est sous Giscard, et on se dit, ça y est, ça va repartir de là. Voilà. Et je pense qu'il y a cette espèce d'état d'esprit vis-à-vis du punk. En plus, il y a des messages très négatifs qui arrivent d'Angleterre. Finalement, le punk, au départ, c'est né aux États-Unis dans les années 73-74. C'est essentiellement d'une musique dure, issue de la scène de Detroit, et aussi bien portée par des femmes comme la chanteuse Niagara des Destroy All Monsters, que par toute la bande qui traînait autour du MC5 et des Stooges. Et de Patti Smith, qui d'ailleurs après s'est mise en ménage avec un ancien du MC5, etc., etc. Donc en fait, on a une forme de musique qui est née aux États-Unis, mais qui a été restylisée en Angleterre, à qui on a attribué ensuite un message politique, alors qu'au départ, la seule tentative de message politique, ça avait été celle de John Sinclair, le manager du MC5, qui s'était débiné dans le bureau du FBI en disant « mais tout ça, c'était pour rire, ce n'est que de la musique ». Néanmoins, il avait quand même créé le White Panther Party, il y avait des volontés sécessionnistes assez fortes, il y a eu des émeutes, enfin, le feu avait pris, quoi. Donc John Sinclair s'est débiné, Malcolm McLaren a voulu refaire la même chose avec les New York Dolls en faisant des icônes communistes, il a planté l'avenir du groupe, il se dit « je vais recommencer avec les Sex Pistols ». Et là, il reprend un peu de musique américaine punk, il l'a refait jouer par les crétins du quartier, et un bon avatar de Chomsky, en fait, il recrée une sorte d'imagerie crétine en disant « mais voilà ». Et là, curieusement, tous les crétins du monde entier vous s'y identifiez. Tout le monde va chercher le crétin qui est en soi, comme on peut aller chercher le clown qui est en soi, face à une musique binaire qui, au départ, on prend pas tellement au sérieux, quoi. Et donc, finalement, on s'aperçoit de la richesse du message quand on est dans l'événement. Parce qu'en fait, c'est une musique à vivre. Donc, on peut l'écouter, on peut la vivre. Et c'est pour la première fois, c'est une musique d'expérience, c'est une musique d'événement, quoi. C'est pas simplement la ressucée de quelque chose qu'on va aller voir en concert. À l'époque, en banlieue, il y a de la samba à papa ou du jazz, quoi. Mais entre les deux, il n'y a rien. Il y a France Gall à la télévision. Cette charnière des années 80, bon, avec l'avènement de la gauche mitterrandienne, mais en même temps la montée du Front National, c'est l'époque de la marche des beurs, c'est l'époque de touche pas à mon pote, c'est l'époque d'un tas de choses, hein, et les punks se positionnent beaucoup par rapport à ces événements, d'une manière un petit peu emblématique, on a les Bérus avec la jeunesse en mer de Front National, donc cette posture politique, elle est réelle. Dans le contexte, je crois qu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Par exemple, toute la naissance du mouvement des radios libres. C'est-à-dire que jusque-là, la parole était quand même confisquée par des médias officiels, hein, d'une certaine manière. Tout d'un coup, à partir de 81, les gens vont pouvoir investir cette manière de prendre la parole. Alors, ça permet de rappeler que le punk, c'est la musique, mais c'est pas seulement la musique sur scène avec des guitares ou des micros, c'est aussi la manière de diffuser un message sur les ondes, de créer des émissions complètement, alors pour le coup, subversives culturellement et politiquement. Il suffit de reprendre les annuaires des radios libres dans les années 80, 82, 83 pour voir à quel point ça a été un mouvement absolument riche, buissonnant. Tout le monde montait une radio libre. Donc ce mouvement-là. Et puis alors, assez paradoxalement, c'est l'époque aussi où le pouvoir politique va se rendre compte qu'en France, le rock, c'est quand même quelque chose avec lequel faut compter. Alors même si ça nourrit pas spécialement le punk, je crois qu'en termes de contexte, c'est important. C'est l'époque de Jack Lang et c'est l'époque de Monsieur Rock, hein, Bruno Lyon. Donc il y a tout un contexte nouveau dans lequel le punk navigue. Hein, il fait avec, il fait contre, il fait. Mais bon, c'est ça le contexte du punk dans les années 80 et dans ce mouvement aussi de cette scène alternative. Alors là, on n'est plus du tout dans le No Future. On n'est plus dans le No Future, c'est-à-dire il y a effectivement une bascule qui insensiblement va progressivement transformer l'absence de perspective en comment pouvons-nous construire de manière alternative un futur qu'on ne nous impose pas. C'est-à-dire quel autre type de futur on peut construire ensemble et comment on va faire pour être libre. On est toujours dans le refus de quelque chose, hein, dans le refus du mainstream, le refus des codes, le refus d'une économie qui a servi les individus, mais en même temps il y a la recherche des manières sensibles et intelligentes de faire autrement, d'où l'importance des squats, d'où l'importance des fanzines qui ne se dément pas, d'où l'importance des labels indépendants, d'où l'importance des réseaux, des bars rock, etc., où on va pouvoir circuler quand on est un petit groupe. Donc c'est voilà, comment on va pouvoir collectivement inventer un autre futur. Géant Vert, parolier de Parabellum, écrivain, journaliste et critique rock. Dans les années 80, on a commencé à défricher. Quand le punk s'est arrêté et qu'on a arrêté d'être des consommateurs de musique, en 79-80, c'est terminé. 80, donc à un moment, on s'emmerde. Puis on commence à monter des groupes. Au début des années 80, 82, bon, il y a des groupes qui sont bien, qui savent jouer, mais il n'y a pas de local de répétition, il n'y a pas de locaux de répétition, il n'y a pas de salle de concert qui s'intéresse à ce genre de groupe. Il n'y a rien. Donc il y a un circuit parallèle qui commence à se monter. Alors il y a un groupe un jour qui finit par aller au Havre. Les mecs du Havre disent, bon, on a des groupes, donc il y a des échanges. C'est comme, en fait, le système, c'est comme à l'école, le système les villes jumelées. En Bretagne, on découvre pendant les vacances, on s'aperçoit qu'il y a un groupe, il y a un copain qui fait un groupe. On tisse une toile d'araignée qui est généralement entre les lieux de vacances et Paris, et la ville qu'on habite. Et au milieu des années 80, il y a des labels qui commencent à se monter aussi, comme Gougnaf ou Bondage. Et là, il y a des connexions à droite à gauche. Quand ça s'étend, c'est la toile d'araignée. Et tout ça, ça donne à la fin qu'il y a des gens qui... seuls survivent les gens qui ont l'esprit commercial. Quand on n'a pas l'esprit commercial, on ne survit pas. Alors, il y a les gens qui décident de devenir des rodis professionnels. Il y a ceux qui décident de monter des boîtes de tourneurs. Il y a ceux qui décident de monter des salles de concert. Il y a ceux qui décident de monter des boîtes de management, tout ça. Des boîtes de t-shirts, des boîtes d'imprimerie, des posters. Travailler dans le disque. Mais il ne faut surtout pas faire de groupe. Parce que les groupes, à partir de là, ça devient les groupes français deviennent les cocus de l'histoire. Faire de la musique maintenant, vendre un disque, mettons 15€ sur les 15€, maximum, il y a 50 centimes qui vont venir au groupe. S'ils sont 4 ou 5, on voit ce que ça donne. Les droits d'auteur, on les paye une fois tous les 36 du mois. Donc, il n'y a pas moyen de gagner sa vie dans ce genre de musique. Il faut se démerder. Après, ce qui s'est passé, c'est que non, oui, on n'aime pas les punks. Jacques Soulier. Ils viennent finalement appuyer là où ça fait mal, ils n'apportent pas de vraies solutions, autres finalement que leur propre hédonisme. Donc finalement, la société a du mal à les intégrer. Les seuls qui seront ouverts, finalement, c'est le monde des arts. Parce que le punk, c'est avant tout une révolution esthétique, c'est un renversement du sens. C'est-à-dire, je m'habille comme tu me redoutes, et en me redoutant, je te montre ce que en toi tu n'aimes pas, quoi. Et si tu arrives à m'accepter, et que tu arrives à l'accepter en toi, à ce moment-là, on a un terrain d'entente. Et finalement, dans cette panoplie vestimentaire miroir, en s'habillant de ce qui fait peur aux autres, c'est une recherche de dialogue que nous on instaure. Et c'est finalement ce dialogue-là que les gens cherchent à éviter, parce qu'on se doute bien qu'il y a des cadavres dans le placard, on n'a pas envie de les débusquer. Qu'est-ce qui fait peur, alors? C'est de réveiller la France de Giscard, qui dort à ce moment-là? Il y a le fait que finalement les communistes n'arrivent pas du tout à intégrer cette frange de la jeunesse qui reste marginale. Il y a le fait que d'Angleterre viennent des messages assez négatifs comme la croix gammée, la swastika, en France ça passe pas du tout, quoi. c'est le fait de cracher à la gueule de tout le monde, c'est pas forcément pris très très bien par tout le monde, et c'est tout à fait normal. Il y a une frange de la jeunesse qui dit « je n'ai aucun avenir chez vous, ou en tout cas j'en veux pas, vivre à crédit le reste de ma vie, ça m'intéresse pas, je veux que ça se passe maintenant et tout de suite ». Et en fait, elle continue à tenir le discours de la jeunesse des Blousons Noirs, qui était « vivre vite, mourir, vivre jeune, mourir vite et faire un beau cadavre ». C'est le même slogan qu'on a chez les parachutistes, c'est le même slogan qu'on a chez tous les jeunes de 20 ans, quand la testostérone est là. L'important, c'est d'aller vivre vite et maintenant. Et face à une société qui promet tout dans 30 ans, achète une maison, tu auras fini de la payer dans 20 ans, achète une voiture, etc., etc., mais tu l'auras pour plus tard. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre immédiatement, quoi. Parce qu'on ne sait pas si l'avenir nous est promis ou pas. Il n'y a quand même pas eu d'abattage générationnel, mais il y a une menace, c'est la bombe nucléaire. Et là, à l'époque, on la ressent de manière très présente. On a tous les lieux de croire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va merder. On a du mal à leur faire confiance. Vu comment ça s'est passé pour les générations précédentes, on n'est pas du tout confiant. Donc du coup, l'important, c'est on se jette en avant dans une forme d'hédonisme forcené, qui est en fait aussi l'aventure du concert, c'est-à-dire c'est un peu partir à la guerre. Hein. Il faut éviter les rockers, éviter les flics, éviter les beaufs, arriver sur place, vivre au moment de manière très intense et arriver à rentrer entier. Quoi. Voilà. Donc finalement, ça c'est une aventure à vivre, et c'est ça qui finalement nous remplit. Quoi. Cette aventure-là, on ne l'avait pas dans nos vies de tous les jours. Et ça, curieusement, ce punk de banlieue tel que nous on a pu le vivre en province ou ailleurs, à Paris, est méconnu. Et il est nié parce que pour eux, ça s'arrête en 78 avec l'arrêt de certains groupes. Voilà. Et cette vague est censée s'être cristallisée. Ils disent, de toute façon, le punk, c'était du nihilisme, c'est nos futurs. Sauf que c'est nos futurs for you, c'est nos futurs pour l'établissement. C'est pas nos futurs pour le punk. Ils disent, puisque finalement, le punk est mort, nous en sommes les seuls détenteurs et depuis, ils gèrent la marque. Mais en punk, en banlieue, c'est arrivé 1 à 2 ans plus tard. Ça s'est perpétué jusqu'en 83, 84, avec comme une traînée de feu. Quoi. En tout cas, eux ont nié notre existence parce qu'on était finalement leurs enfants, sans s'en rendre compte. Hein, les enfants de Bijoux, de Star Shooter, hein, de plus que d'Asphalt Jungle, qui pour moi a toujours été une sorte de rock'n'roll un peu particulier. Quoi. Mais métal urbain, oui, complètement. Là, métal urbain, c'est quelque chose qui nous ravit. Quoi. On a une simplicité de moyens, on a un message percutant, on a quelqu'un qui en fait tellement qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, mais ce qu'il dit est quand même tout à fait dérangeant et intéressant. Bon, métal U, voilà. Bon. Et là, malheureusement, on assiste à l'enterrement de métal urbain par tout le monde, Eudeline et sa bande, par Zermati, par tous ces gens qui se viennent finalement d'une autre époque, celle du rock'n'roll héroïque, qui finalement disent « mais de toute façon, vous étiez trop nuls, vous ne pouviez pas exister, et de toute façon, le punk français, c'est mauvais ». Alors musicalement, oui, il n'y a pas eu d'excellente production. Maintenant, les moyens de production n'étaient pas vraiment là, ils étaient très chers. Il nous a manqué des structures ambulantes pour aller traîner là où il y avait des événements, dans les studios de répétition, pour montrer ce qui se passait. Et on nous a manqué une structure de diffusion plus large que les magnétocassettes, qui ont pourtant permis l'essor de Berrurier Noir en cassette copiée au lycée. Voilà. J'habite un an dans une cité HLM de banlieue, les Ulysses, et puis là je rencontre la jeune bande qui monte, et qui sont les rocos des Ulysses. Il faut avoir une banane et des tiags. Moi j'aime pas les bananes, j'aime pas les tiags. À l'époque mon look c'est plutôt un look à la Ramones. Donc voilà, on redéménage peu après, mais finalement je reste lié avec pas mal de gens des environs, parce que dans cette même cité des Ulysses, il y en a qui sont devenus punk. Toujours avec la même origine, on est des foyers un peu diffractés, des problèmes d'intégration. Et puis finalement, ils finissent par monter un groupe qui a une moyenne d'âge 15 ans, en 80-81, qui s'appelle Charnier, qui est dans la mouvance d'un groupe plus local qui s'appelait Les Cadavres, qui a eu sa petite heure de gloire à Paris. Et en fait, tous ces baby punk commencent à monter en graines. Et puis déjà qu'on se faisait dépouiller aux arrêts de bus par les rockabilly et casser la gueule dans les derniers RER du samedi soir, là ça devient pire. Et moi, je suis un petit peu en déshérence en 81, j'ai des soucis familiaux, on va dire, et scolaires, après 3 ou 4 envois de différentes écoles. Et je commence à traîner l'après-midi dans une MJC de banlieue qui s'appelle la MJC d'Orsay. Il y avait quelques-uns, bon, finalement, on groupe une petite bande, puis on fait front face à cette adversité rockabilly qui veut nous passer au prisme. Voilà. Le prisme, c'est simple, c'est soit tu prends une doudoune des baskets et tu te tais et tu fermes ta gueule, ou soit bah, finalement t'es comme nous, mais si t'es comme nous, voilà, mais non, sauf que nous on n'avait pas envie d'être comme eux, donc on se retrouve avec quelques babacool, hard rockers, speed freaks, moyenne d'âge 17-18 ans, à faire le coup de poing avec les rockabilly. La plupart du temps on s'en va en courant, parce qu'on n'est quand même pas des bêtes de guerre, on a une certaine... des certains codes de moraux et un souci de sa propre intégrité. Et finalement, les choses commencent à dégénérer puisque on veut organiser des concerts, on commence à en faire. Les rockabilly viennent foutre le bordel dans la salle, nous casser des chaises sur le dos. Donc on organise finalement des festivals punk pour essayer de s'organiser, de faire valoir cette mouvance-là. Le premier, on est obligé de le baptiser Festival de Hard Rock pour que ça arrive à passer. Le concert de Hard Rock, on fait venir Charnier, on fait venir les Cadavres, on fait venir des groupes punk locaux. Et on a cette fois-ci une trentaine de rockers qui viennent, mais autant dire au quoi, qui sont venus du Forum des Halles, de Paris, et puis bon, bataille rangée. Et on refait un troisième festival punk pour enfoncer le clou, là on fait venir des groupes comme les Spoons, Wunderbar, les Cadavres, et Charnier en particulier. Charnier livre une prestation suicide sur scène, en insultant un par un tous les rocks des Ulysses présents dans la salle, qui avaient réussi à rentrer après une demi-heure de bagarre, et ça se termine mal, très mal. Voilà, pour nous on est finalement, on a fini par s'habituer à ce niveau de violence parce qu'on le vit finalement dans la rue. C'est le reflet de quelque chose d'autre dont personne ne nous parle. On a l'impression d'être détenteur d'un secret parce que personne ne nous dit ça va être comme ça, quoi. Et en fait, on s'en rend compte en essayant tout simplement de faire ce que l'on voulait faire dans des groupes, de la musique. On se rend compte face à une opposition relativement violente et une indifférence sociale manifeste, quoi. Donc ça donne envie de s'organiser soi-même pour continuer déjà et puis de trouver d'autres supports, d'autres moyens, d'autres relais de communication, quoi. Donc évidemment, les concerts vont être interdits en banlieue pendant un bon moment. Et pour ma part, moi, je rentre dans le rang, je passe un concours, je fais mes études, je pars à l'armée, je reviens 3 ans plus tard avec la volonté de structurer autour d'une association, un local de répétition, des concerts et puis finalement toute une actualité de production. Pour moi, en fait, l'aventure de rue va s'arrêter là, si ce n'est tous les concerts qu'on va organiser par la suite. Mais j'ai vu autour de moi toute une génération de gens, donc en 82-83, qui sont des punks, qui sont issus pas uniquement du milieu prolétaire, mais souvent ce sont les littéraires des milieux bourgeois. Les gars qui ont un petit truc en plus, qui aiment bien la provocation, le détournement. Or finalement, les punks ont hérité de l'art des diggers, du détournement des slogans. C'est ce que commencent par faire les frères Répoulin, en détournant les publicités, en détournant les habits, en customisant ses propres fringues. On est très souvent un clignancourt. On achète des vestes en cuir qu'on refait, certains d'entre nous sont stylistes, on resserre nos pantalons, on repeint nos chaussures, enfin voilà. On est dans cette démarche-là. Mais en même temps, être punk à Paris, c'est être un artiste accepté, être punk en banlieue, c'est s'attirer les foudres de tout le monde, quoi. C'est voir sa survie physique menacée, quoi. Donc on est tous obligés d'adopter des compromis et finalement d'avoir des looks qui passent à peu près de manière à pouvoir continuer, ne serait-ce qu'à aller travailler ou circuler de chez soi quelque part. Et donc... moi, je suis hors scène pendant, on va dire, 2 ans, 3 ans, le temps de faire mes études. Quand je reviens, je retrouve une banlieue où finalement l'héroïne s'est répandue comme une traînée de poudre. On assiste au même phénomène que ce qui a pu provoquer la mort des hippies californiens, une mauvaise drogue abondante dans un circuit organisé qui finalement tue un mouvement. Est-ce que finalement les punks seraient devenus autre chose sans ça ? On ne pourra pas vraiment le savoir, mais toujours est-il que l'arrivée du sida et de l'héroïne commence à provoquer... un resserrement de ce mouvement-là qui était parti pour devenir un mouvement générationnel. Militant du rock alternatif, manager des Berruriers Noirs et fondateur de Bondage Productions. Le moment où je suis arrivé donc à Paris, c'était la fin du premier punk, de la scène un petit peu branchouille qu'il pouvait y avoir. J'ai quasiment vu aucun des groupes historiques de la scène parisienne, à part Metal Boys que j'ai vu début 80. Mais sinon, aussi bien Soul Jungle que Metal Urban d'origine, que c'est des groupes qui, au moment où je suis arrivé, soit gravitaient dans des bas-fonds lointains, soit alors n'existaient plus. En revanche, tout ce qui était le Palace, le Bain-Douche, etc., c'était des endroits où il y a quand même énormément de concerts, donc j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses qui m'ont marqué. Clash, qui est quand même un groupe de référence pour moi, mais aussi Joy Division, par exemple, ou Killing Joke, ou Dead Kennedys, par exemple. La plupart des branchés, c'est des gens qui étaient donc middle class cultivés, étaient en train de se barrer de cette scène, soit pour aller dans le post-punk, soit pour se ranger. Oui, parce que le Palace, les Bardouches, c'est du punk chic, branchouille, tout le monde n'a pas accès à ça. Attention, moi je ne te parle pas des boîtes, des soirées. Parce que les soirées, par exemple les soirées du Palace, moi j'étais tricard total. il fallait quand même avoir une notoriété, montrer pas de blanche et avoir un minimum de moyens. Et éventuellement être drogué, c'était mieux. Non, je parle des concerts. Parallèlement, on m'a branché à partir de, j'irais 79-80, pour faire du fanzine, des gens que j'avais rencontrés qui faisaient un fanzine qui s'appelait New Wave, et puis d'autres qui faisaient une émission de radio. Mercure 104, qui était une radio qui était basée dans le nord de Paris, Carré 89, qui était dans le 19e, à côté de Danube, et puis j'étais un peu sur Gilda, un petit peu sur Carbone 14. Il y avait un côté bricolage qui était vraiment éminemment sympathique. Parallèlement, ça nous donnait un prétexte pour rentrer gratos dans les concerts, ce qui n'est pas négligeable quand même. Hein. Et puis, fatalement, quand tu commences à avoir rencontré plein de monde, tu te fais un carnet d'adresse. Et donc, je me suis retrouvé manager de Lucrate, et qui était un groupe donc avec cette base arty, en même temps ce côté franchement destroy. À la fois, on avait un pied dans le circuit branché, donc les bars branchés, les boîtes post-punk et goth. Et puis... on a un pied aussi dans le circuit plus politique, en particulier les squats. Ce groupe, en fait, s'est fait sur ces deux trajectoires, sachant qu'on avait un spot de rencontre qui était au Luxembourg. À partir du moment où tu as des gens qui traînent à un endroit de manière régulière, j'avoue que c'était principalement pour sniffer de l'alcool à l'époque et boire de la très mauvaise bière, mais ça en attire d'autres, qui en attire d'autres, qui en attire d'autres, etc., etc. Et après ça, tu as l'effet de procession où les gens nouveaux qui déboulent vont à un endroit où, paraît-il, il y a des gens sympas qui traînent. On a rencontré à cette époque-là plein de gens, dont certains ont disparu corps et biens, en tant que groupe ou en tant qu'individu, et d'autres ont fait carrière. C'est ça qui est assez marrant, c'est un milieu où, en fait, tu as beaucoup de gens qui sont des écorchés vifs. Tous, ils ont un potentiel de création, ils ont beaucoup d'énergie, et cette énergie, soit elle est orientée dans le sens de la création, soit dans le sens de la destruction, enfin, autodestruction généralement. Et donc, de cette petite bande, ont émergé des groupes comme les Cadavres, également donc Lucrate, Zona, Peggy Luxburg, Clair Obscur, et puis sont arrivés encore d'autres gens, entre autres Guernica, qui étaient des gens, des petits jeunes de Vincennes et puis de Montreuil, qui traînaient dans leur bagage un autre groupe un petit peu plus destroy de gars encore plus de l'Est, genre nos gens, etc., qui s'appelaient les Béhoriers. Donc à l'époque, les Béhoriers, qui avaient déjà souffert de 150 000 noms, est un trio avec deux guitaristes alcooliques et un chanteur très flippé. Toute cette scène qui gravitait donc entre les boîtes branchées du centre de Paris et puis les squats du 20e. Puisque à l'époque, autant le punk a été formateur d'un point de vue musical, en particulier sur le point de vue de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, autant l'autonomie a été formatrice au niveau politique. Ce milieu, en fait, j'ai connu, en fait, je ne vais pas dire des vagues, mais tu vois, tu as des périodes où des générations nouvelles de musiciens ou publics sont arrivées, soit drivées par un groupe leader, soit alors par une quelconque révolte étudiante ou alors un mouvement de fond. Par exemple, toute l'époque de la lutte antifasciste contre le FN, ça a généré une vague de groupes et de collectifs militants et aussi de concerts de soutien, etc., etc. C'est vrai que l'anarcho-punk, par exemple, c'était une référence pour nous, mais finalement un petit peu nébuleuse. Parce qu'on n'a pas rencontré les gens de Crass avant les années, la fin des années 80. Et à l'époque, quand même, quand les disques de Crass étaient sortis, c'est un truc qui avait fait forte impression. Et Crass et les groupes aussi qui se revendiquaient un peu de cette mouvance comme Discharge, etc., des trucs de hardcore un petit peu velus. Et on était très fans. L'imagerie, le graphisme, la manière dont les textes étaient gaulés, la manière dont ils étaient aussi scandés, c'était vraiment un élément important. Beru, c'était le personnage central donc des romans populaires de San Antonio. François Guimau, alias Fanfan. Le beau français, le cradingue, le flic. Ancien chanteur de Berruyer Noir. Tout ce qui représentait les choses à combattre quelque part, ou tout ce qu'on ne voulait pas devenir en fait. Et en même temps, il était truculent, marrant, grossier et provoquant quelque part. Donc après, c'est ajouté le terme noir pour signifier le deuil et la marque de la fin d'un groupe qui a existé, qui a une vie totalement éphémère et chaotique et qui est devenu quasiment mythique. Et pour donner naissance à un autre groupe qui est devenu véritablement un groupe. Parce qu'au départ, ce devait être le 19 février 83, un seul et unique concert. Et puis ça a débouché sur une autre aventure. On est passé du No Future, si tu veux, au Yes Future. Concept qui n'a pas été inventé ni par moi ni par Laurent, mais par un Vietnamien qui a apporté beaucoup au groupe, en fait. Mickey était un peu plus âgé que nous, mais c'était un athlète qui buvait pas, qui fumait pas, donc qui n'était pas du tout punk, qui était yes, cool, et qui mangeait des graines, et qui faisait du sport hein, de façon intensive. C'était un acrobate que tu vois sur la scène. Et puis un jour, il a dit oh, c'est quoi toutes ces conneries, mais au futur et tout. Il est venu avec un drap marqué Yes Future, et il a déterminé définitivement le positivisme, l'attitude positive que devaient avoir les punks, en tout cas qui suivaient Beru. Et c'est lui qui a impulsé quelque part un changement de mentalité au sein de Berruyer Noir. Au bord d'un rassemblement porto, sondéa pour Cuba, armé du pastis roi, syndicat du calva, coalition cognac, tricot pour les barjolés, des altocolo, ou plus que l'armagnac avant-garde Ricard, front uni du whisky offre de l'eau de vie, résistance à une telle qu'on paramuscadet, assaut armé par mon choix canot de la goutte, mouvement d'action vin blanc, régime en camp de nom, lutte pour être coexcès son château la fête, n'a les paf, la girafe, et la bœuf, le zébeu. Comment on fait pour gérer le fait que cette jeunesse s'empare d'un certain nombre de vos textes, d'un certain nombre de vos slogans et que tout ça vous dépasse on se réunit avec le groupe, qu'est-ce qu'on raconte? Oui, on a des discussions assez intenses, surtout avec Marsu, notre manager qu'on appelait notre commissaire politique de bord, hein, puisqu'il discutait de tout et il pignaillait sur les textes et tu dis ça, mais quoi c'était mon premier censeur quelque part. Et puis on proposait des fanzines, des tables rondes, des tables de presse devant à nos concerts pour ouvrir en fait l'esprit des gens, des jeunes notamment qui nous suivaient, sur les prisons, sur les squats, sur les projets alternatifs écologiques qui pouvaient exister, sur les premières revues sur les chômeurs qui ont donné d'ailleurs lieu après à la création du RMI, etc. quoi. Enfin, sur les luttes autonomes globalement. Et là, on était abonné, enfin on était en connexion avec Caval, avec tous ces réseaux autonomes qu'il y avait sur Paris, quoi. Les Berru, c'est quand même une grosse collection de slogans. C'est influence situ typique. Hein. Tu prends 40 slogans, tu fais une très bonne chanson avec. Ça ne veut pas dire pour autant que ça soit dénué de sens. Hein. Mais du point de vue, par exemple, de copains qui étaient très politisés, c'était un petit peu dommageable. Parce que c'était une manière de limiter la réflexion. Et aussi de fermer aussi la réflexion. C'est bon, on a notre pense bête. En même temps, Contrairement à ce que disait Woody Guthrie, la musique ne change pas le monde. Les mouvements artistiques, ils accompagnent les mouvements sociaux, mais ils ne les précèdent pas. Ils sont juste sur la crête, tu vois. Les bûcherons sont entrés dans la forêt, les bûcherons sont de plus en plus laids, avec leurs barbons de 4 mètres et leurs haches qui font des chèvres, leurs chaussures écrasent les plantes, dans les arbres détruits ils dansent, à propos de tronçonneuses, ils atrophient la nature pieuse. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Les Berruyers Noirs ont lancé des brûlots, des chansons à texte, avec des interprétations parfois différentes et même parfois antagonistes, comme une chanson comme Bûcheron peut être interprétée de diverses façons. Moi je pense toujours, Bûcheron c'était comme Ionesco, c'est-à-dire Rhinocéros, la montée du fascisme. Mais tu peux penser Bûcheron comme le désastre écologique, et tu peux penser Bûcheron comme quelque chose de complètement criminel dans le sens crime de droit commun, quoi. Donc après, ce morceau nous a dépassés. C'est comme quand il y a eu cette affaire avec Malik Oussekine. On avait sorti Vive le Feu, le maxi Vive le Feu. 86, il y avait des manifestations étudiantes et il y avait des flyers qui disaient Vive le Feu, qui reprenaient des bouts de chansons de Vive le Feu. Mais ça, nous, on n'était pas maîtres de ça. C'est-à-dire que les jeunes s'emparaient de nos textes et pour fomenter la rébellion, quelque part. Je dirais, ça, forcément, ça te dépasse. Mais le soir du meurtre de Malik Oussekine, de son tabassage à mort, j'étais, moi, sur les lieux devant la Sorbonne, et je suis parti avant parce que je sentais que ça allait dégénérer. Il y avait encore un petit feu, quelques palettes qui brûlaient, et je me suis dit, bon, c'est la fin d'un mouvement, et là, ça va. On savait très bien que les voltigeurs étaient dans le coin, et que ça allait frapper dur. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien. C'est quoi la particularité justement des Berrues? Pourquoi est-ce qu'il est, il rassemble autant de monde? Pourquoi est-ce qu'il incarne cette jeunesse des années, du début des années 80? En fait, il y a pas mal d'éléments. Le premier, c'est donc chant en français, musique relativement accessible, musique énergique, groupe qui arrive à une période où. Il y a déjà un chemin qui a déjà été tracé, on se rencontre par Lukratmik. Parce que Lukratmik a généré autour de lui un public. Où tu arrives à une taille critique, Marsu, où genre 200-300 personnes commencent à te suivre, ça implique que si ces gens te suivent, d'une part, les concerts se passent bien, parce que les gens sont solidaires, donc si des gros cons viennent casser la baraque, ben ils se font sortir. Ensuite, ces gens, quand ils ont atteint une masse critique suffisamment importante, ils parlent autour d'eux. Donc là, ta promo, elle te précède. Il y a le côté que donnent les fans, c'est-à-dire le. Quand tu t'appropries un groupe, c'est quelque chose qui fait corps avec toi-même. Et donc, tu serais prêt à te faire tailler en morceaux pour ce groupe. T'as une fidélisation. Et ce truc-là, c'est reporté sur les Berrues ensuite. Ensuite, le fait qu'on ait aussi des concerts sécurisés, entre guillemets. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure des squats où il y avait ce petit sentiment d'aventure. Mais malgré tout, la possibilité qu'on avait de s'exprimer dans ces lieux, devant un public, où il y avait à la fois la notion de petite notion de danger, l'impression de vivre autrement, dans un autre monde, d'être hors des normes. Et en même temps, à la différence de plein de concerts de banlieue et de plein de concerts punk de l'époque, tu n'avais pas une bande de skinheads qui allait venir te casser la gueule, en bref. Parce que faut pas oublier que cette jointure des années 80, du début des années 80, les concerts, ils étaient extrêmement risqués. Pas seulement que tes concerts, d'ailleurs, tu balais dans la rue, tu ne sais pas si tu allais garder tes chaussures, ton paquet de disques et tes sous. Il y a énormément de groupes qui n'étaient pas mauvais musicalement, qui ont été torpillés par cela. À l'époque où les BE ont commencé à faire vraiment du monde, un de mes grands plaisirs, moi, c'était de courir dehors à la fin du concert et regarder les gens qui sortaient. Au début, tu vois, à l'entrée, tout le monde était là à piquer avec sa rage, tu vois. Des petites bandes de gens, etc. Et après ça, c'était comme une sorte de grande machine à laver. Et les gens sortaient avec les yeux, comme ça, avec le regard soit dans les étoiles, soit tourné à l'intérieur, genre, waouh, qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule. Toute cette énergie qu'ils avaient avant, prête à s'autodétruire, tu vois, à les pousser à s'autodétruire, en fait, d'un seul coup, elle était sortie pendant le concert. Et ensuite, elle pouvait se traduire dans les choses positives, parce qu'ils disaient, ce que j'ai vu là, j'ai envie d'en faire quelque chose. Donc si c'est accessible, ça c'est le principe du punk. Hein. La plupart des gens qui ont vu les Sex Pistols, ils ont dit, moi aussi je peux faire ça. Avis à la population, au pays de l'empereur, tomate au ketchup, les enfants sont rois et ils font la loi. Tourne les cotis, tourne les cotons. C'est l'année zéro de la rébellion. L'heure de la révolte a enfin sonné. L'état de l'enfant roi est partout proclamé. Uno, deux, tres, cuatro. Lorsqu'on a sorti l'empreinte Tomate au ketchup, Energy s'est intéressé à nous. Il nous a invités à l'antenne. François Guillemot. Laurent avait ramené des disques, moi aussi. On a pu passer Conflict, par exemple, à l'antenne de Energy et des Crass et d'autres groupes qui étaient hors antenne. Mais aussi Boris Vian et d'autres trucs un peu différents de ce qui écoutait Energy. Mais là, on a senti que le groupe devenait populaire dans le sens où les classes populaires commençaient à s'intéresser à ce petit groupe de banlieue. C'est là où la DOC aurait pu devenir une marque déposée Bérurier Noir. C'était pas facile à vivre parce qu'on n'était pas du tout dans cette optique. Et puis, on a vu quand même un changement de public. On était plus dans un public looké pour la mode qu'une mise volontaire en marge. Et c'était un peu ça le décalage. À l'époque, grosso modo, les disques, ils ont fait 50 000 au bout du troisième. Mais on a commencé à parler, nous, une fois que le premier album a passé les 10 000. Ce qui était, pour un groupe français, juste extraordinaire. Et pour un groupe français autoproduit, mais sur un label indépendant, alors là, carrément, c'était indescriptible et incompréhensible pour les journalistes. Parce que quelque chose leur avait échappé, ça, c'était ultra flippant pour eux. En même temps, ils étaient tellement hors du monde, ce truc-là, ils ne l'ont pas assimilé. C'est quelque chose qui reste toujours hors des normes du business et qui ne peut pas s'expliquer, qui surtout doit être mis sous le boisseau. Ça, c'est vraiment Satan est sorti de son antre et il faut surtout qu'il y rentre rapidement. Mais à l'époque, la notion entre c'est commercial ou ça ne l'est pas, elle était quand même assez subtile. Grosso modo, était commercial ce qui était considéré par le gros de la scène comme commercial. Alors, généralement, ça passait par l'usage des mass médias. Et on a vu tous l'exemple qui avait été assez désastreux des Porte-Ponteau. Les Porte-Ponteau, qui était un honnête groupe punk, franchement, et qui, en faisant des tubes, les Afro-Line en l'occurrence, ont donné de très très mauvais exemples. Tout le monde a flippé. Et donc on a eu un gros avantage, là je pense en tant que membre de label, c'est que énormément des groupes qui avaient un potentiel, qui étaient amenés à marcher, ils avaient ça sous le nez comme exemple, et faisaient, nous on va surtout pas signer avec les majors. Pitié. Et puis, c'est vrai que l'usage des masses médias a été problématique, en particulier quand, à partir de 87, décembre 86 exactement, on a commencé à jouer sur des grosses radios, en particulier Énergie. Tomato Ketchup, qui était un 45 tours, quand il est sorti, s'est retrouvé directement collé au hit parade de Énergie. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient acheté le disque. On ne leur avait pas envoyé en promo parce qu'on ne voyait pas vraiment l'intérêt. Et à l'époque, il y avait eu les manifs de Vaquier, etc. Et donc, Energy s'est aperçu d'un seul coup que leur public, les jeunes, écoutaient autre chose. Et il a fallu qu'ils se rattrapent, et eux, et plein d'autres radios. Donc ils sont sortis de la panne du chapeau, c'était les Berrues. Ils ont utilisé ce 45 tours, ils l'ont joué tous les jours en masse. Un peu pour refaire une crédibilité, quoi. C'était quand même assez gaguesque. Je me souviens par exemple, en 88, quand on a eu le bus d'acier, c'était quand même le président d'énergie qui était président du jury, et il était tout content de nous donner le bus d'acier. Bon, c'était une espèce de petite statuette absolument très très moche, qui représentait un bus, parce que c'était au bus Palladium, un bus à l'anglaise, quoi. Et en fait, ce truc-là, on savait qu'on allait avoir, on ne savait pas quoi faire. Parce que à la fois, c'est des symboles vraiment du business et de la récupération. Et en même temps, c'est aussi le symbole que ce qu'on avait fait avait trouvé une place et que ça avait un impact vraiment. Donc, après de multiples tergiversations, on s'est dit, bon, on n'accepte pas le prix. Mais en même temps, on va le dédier à la scène française. Comme ça, ça nous permet d'ouvrir notre gueule, d'être dans un événement qui va être télévisé, donc d'avoir un impact tout en restant sur quelque chose qu'on contrôle. Quand on est arrivé, en fait, on est tous un petit coup dans le nez. Et il y a la choriste, la Titi, Bourruc, qui a pris le prix et qui est partie avec. Du coup, on s'est retrouvé à refuser le prix qu'on avait volé. Donc, d'un point de vue purement conceptuel, c'est pas terrible. Quand les Berrues lancent leur fameux slogan « La jeunesse emmerde le Front National », c'est plus votre délire du tout. Oui, c'est à peu près le moment vers lequel on commence à lâcher le punk en général. Parce que finalement, les Berrues, pour nous, c'était le groupe avec Olaf et les autres. Quand François est arrivé, c'est devenu encore autre chose. Il est arrivé avec toute son imagerie provocatrice, terroriste, etc. Et voire nazie, que nous, on ne reconnaît pas forcément. J'ai entendu des copains se réjouir le jour où il s'est fait péter la gueule après avoir exhibé une chemise sur laquelle il y avait ce genre d'insigne. Finalement, on se dit, les Berrues, finalement, jouent pour... ils se font plaisir, quoi. Donc oui, effectivement, la montée du Front National nous a fait peur, jusqu'au moment où on a compris qu'elle était orchestrée pour pouvoir permettre des équilibres au sein de l'Assemblée Nationale, des élections, de ce genre de calcul qui, finalement, nous dépasse. Donc finalement, lever le poing à un concert des Berrues à l'Olympia en gueulant « La jeunesse sommaire le Front National », c'est ni plus ni moins qu'être là où on l'attend. Et ça n'a absolument rien d'intéressant. En tant que situation, c'est même relativement nul. Comme disait Jean-Baptiste Guillot, finalement, un punk qui boit des bières dans sa cave en répétant, il est exactement là où on a besoin qu'il soit. Là où on l'attend. Alors justement, si on veut créer quelque chose avec de la musique, il ne faut pas être là. Il faut partir à la rencontre des gens. Il faut interchanger avec eux. Sinon, ça ne sert à rien de faire de la musique. L'Olympia, plein à craquer dès ce soir jusqu'à samedi, et des adieux à la fleur de l'âge. Les Berruriers Noirs, groupe de rock français et alternatif, en ont assez du showbiz. Ils ont décidé de tout arrêter. Destroy, comme dirait Agnès Poirier et Pascal Pueyo. Sur la zone, la radio rodéo. Les Berruriers Noirs tirent leur révérence. Après 7 ans de galère et 200 000 albums vendus, ils se séparent dans un ultime éclat de rire. Conceptuellement, dissolution d'une avant-garde en public, moi j'adorais ça. Donc une sorte de testament, testament aussi pour bousculer les mentalités au sein de la petite alternative qui était partie dans un virage soi-même très très commercial, donc qui nous déplaisait. Quand le Berrues s'est arrêté, on avait 25 ans. Hein. On a une difficulté, nous, les Berrues, c'est là où c'était punk, à entrevoir un avenir. Un avenir autre que une boîte à rythme, une guitare sécateur, enfin tu vois, et il fallait dépasser ça. C'est pour ça que je dis toujours à Laurent, putain, on aurait pu devenir les Daft Punk. C'est-à-dire qu'on aurait dû faire de l'électro tout de suite, on aurait dû faire du rap tout de suite, on aurait dû changer, on aurait dû évoluer. Si on veut pas imploser, il fallait évoluer, soit une troupe de théâtre, soit un truc, mais il fallait faire une modification. Garder cet engagement, mais changer culturellement, il fallait absolument avancer et pas rester sur du pum-tchak, pum-tchak, tout. Voilà, c'était juste pas possible. Le Front National, la jeunesse emmerde le Front National. génération nos futurs, que pont made in France. Avec Luc Robben, Solveig Serre, Jacques Soulier, Géant Vert, Marsu et François Guimau. Archivina, Sophie Enoch. Avec la voix de Laura Benson. Prise de son, Alain Joubert. Mixage, Pierre-Henri. Réalisation, Assia Khalid. Coordination, Perrine Kervran et Marivonne Abolivier. Un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série Documentaire. La jeunesse, oh merde ! Merci ! LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter chez le disquaire, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, néo-punk et féministe.